L'équipe 1, premier canton contre Gap 4-1. Consola Marseille 2, équipe de Mandelieu 2-4. Carquiran-Crou, je pense que c'est Carquiran-Crou contre Carnoux 4-1. Marignane-Lavalette 0-1. Et c'est Carquiran-Crou avec 67 points qui est en tête de ce championnat devant Mandelieu 72 points, Carnoux 72 points. Le Pontet, équipe 2, sont 5e avec 67 points. Et c'est Marignane qui ferme la marche avec 43 points. Ouais, Didier, juste pour revenir sur Courthézon, eh bien c'est vrai que le score ce soir en dit long sur la blessure qui s'est formée dans ce club, puisque Cyril Longo ne sera plus reconduit comme entraîneur. Cet entraîneur qui avait ramené le Sporting de Courthézon en DH1, eh bien après 5 ans de travail, il est remercié, il quittera le club dès la fin de saison. C'est pas terminé, mais malheureusement, déjà, la décision est prise pour Cyril Longo. Je pense que c'est un coup très dur et je crois que les joueurs l'ont fait sentir sur le terrain. Oui, bon, il y a le score, mais après, bon, c'est vrai que je ne connais pas trop l'épilogue à ce niveau-là. Quand on a un coach quand même qui a fait un gros boulot, où sont les avenants, les attenants? On en saura plus l'année prochaine ou en début de saison, au mois de septembre. Je continue avec les U19. Oui, je bien, j'ai bien. Donc, le Canet Roche contre Côte-Bleue 3-1, Arles-Avignon 2, Caillou 6-1, Cannes équipe 2 contre Cagnes-Crou 3-2, Pernes Marignane 5-2, Gap 0-5 contre Fond-d'Antibes 1-3, Nice Cavignal Le Pontet 2-1 et exempte le Pays d'Aix. Donc c'est Le Pontet qui est en tête de ce championnat avec 84 points, suivi du Cannes-Roche avec 80 points, Gap est 3e avec 71 points, on va descendre un peu plus bas. Arles-Avignon est 8e avec 54 points et Saint-Saint-Cailleul avec qui finit la marche avec 32 points. Ensuite, dans le domaine du district Rhône-Durance en PHA, Tarascon-Saint-Rémy, équipe 2, 3-0. Si je ne me trompe pas, il y a un forfait, non? Qu'est-ce qu'ils ont mis? Ensuite, Vaudan-Courthézon, Courthézon, équipe 2, au journal. 2-4. Cherchez-moi direct. Boulbon-Neuf, 3-3. Mayanne-ES-Avignon, 5-0. Carpentras-Montfavet, 5-4. Nyons-Pernes, équipe 2. Je n'ai pas de score. Et Lille-sur-la-Sorgue-Barbantane, 2-5. En tête de son championnat, c'est Mayanne avec 82 points, suivi de ES-Avignon, 71 points. Vedaine, 3e avec 68 points. Courthézon, 4e, 67 points. Montfavet, 5e avec 67 points. Carpentras est 7e avec 65 points. Tout est serré au niveau des scores. Barbantane, 8e avec 65 points. Lille-sur-la-Sorgue est 10e avec 59 points. Et en fin de championnat, c'est Nyons avec 28 points. Je continue sur la PHB, si tu veux bien. Oh, oui, juste le dernier résultat, parce que c'est vrai que le championnat touche à sa fin. Et puis bon, profitons de cet élan de générosité de la part de Didier Bougon. Merci pour toi. À toi. Provence RC contre Barbantane, équipe 2, 1-4. Jean-Pierre Aubune, 4-1. Saint-Didier Molège, 6-0. Gros score. Rasto Mossane, 3-2. Entraigue Monteux, 7-3. Saint-Jean-de-Grès Cavaillon, 2-1. Et en tête de ce championnat, c'est Saint-Didier avec 80 points, suivi de Cavaillon, 76 points, Jonquière, 70 points, 3e. Entraigue, ils sont 5e avec 66 points, suivi de Barbantane, équipe 2, 65 points, Monteux, 7e avec 64 points. On va descendre un peu plus bas. Et 10e, Le Pontet, l'équipe 3 avec 54 points. Et Rasto, bon dernier, avec 45 points. Monique, on va regarder du côté de la technique. Est-ce qu'on pourra avoir essayer de rappeler Monsieur Dylan Siguéry? S'il répond pas, mais on va laisser encore une fois, on est perspicace, on est 5 ans. La dernière fois. Didier, ça y est, c'est terminé pour le foot. C'est terminé. Carl, bon. toi qui es coach, tu t'intéresses un petit peu aux autres sports? Ouais, je suis plus rugby, basket que football quand même. D'accord, Christian a passé un petit peu cette finale, ces deux demi-finales du top 14. Alors j'étais plutôt Rochelet. Puisque moi je viens de là-bas, donc ouais. Et puis je les ai déjà vus jouer sur place au Stade des Flandres, donc j'étais même carrément Rochelet. J'étais bien déçu à la fin du match, ouais, sur la première demi-finale. J'ai pas regardé la deuxième, mais j'étais vraiment déçu. Alors moi, si j'avais juste à dire un truc, et les joueuses qui sont là, elles peuvent prendre ce que je vais dire, c'est que ce soit une demi-finale, que ce soit un match de barrage, on joue. On joue pas pour perdre, mais on joue pour gagner, et on joue. Tant pis le score comme il sera. Et je pense que les Rochelais ont perdu parce qu'ils n'ont pas voulu jouer. Ils ont pensé à ne pas perdre. Mmh. Et le problème, c'est qu'ils ont perdu. Et oui, à la dernière minute, la dernière seconde d'un drop, là, Bon, je pense que le carton rouge fait mal aussi, puisque c'était dans une bonne dynamique avant le carton rouge, mais... C'est la plus mauvaise prestation pour moi de la saison, parce que j'adore le jeu de La Rochelle, qui est un jeu de polyvalence, à 23 quarts, on fait vibrer le ballon, on fait jouer... C'est complètement indifférent. C'est un club qui me parle parce que c'est un club, quand j'étais étudiant à La Rochelle, ça joue en Pro D2 et enfin voilà qu'on a vu grandir et bon voilà, c'est, je pense qu'ils ont une bonne politique aussi, donc ça me fait de la peine pour eux. Voilà pour la petite synthèse du rugby. Vous le savez, on retrouvera samedi soir sur les images de Canal, nos confrères de Canal Plus, la finale entre le RC Toulon et Clermont-Ferrand. Messieurs, toujours pas de... Alors on va appeler Bruce Caudron au téléphone. Bruce Caudron qui va venir nous parler bien sûr de son travail de sape dont il en a seul lui le secret. Comme on dit, comme il dirait Jean-Yves, qu'on va rejoindre dans quelques minutes, puisque lui aussi viendra juste après Bruce Caudron. Il travaille le cerveau de certaines personnes et il paraît qu'il arrive à les rendre, les rendre plus fortes et plus entreprenantes, que ce soit des joueurs ou des joueuses. Puisque Bruce Caudron a eu... vous êtes passé par sa thérapie, me semble. Il faut demander aux filles, moi j'étais... J'ai demandé à Julie est-ce que c'est bien vrai que notre ami Bruce Caudron fait travailler un petit peu le cerveau des joueuses avant un match, il rend un petit peu dans un autre... Effectivement, dans oui. un autre état second. C'est ça, effectivement. Nous, on a eu la chance d'être entraînés par lui dans la semaine avant notre match, là... Amazon, le dernier match. Et c'est vrai qu'il nous a mis... il nous a pas mis de coup de pression, mais il nous a bien fait comprendre ce qu'on jouait et qu'on avait travaillé toute la saison pour quelque chose et qu'il fallait surtout pas abandonner maintenant et donner tout ce qu'on avait. Et c'est vrai qu'on a sorti nos tripes ce match-là contre Ajaccio. Et on peut vraiment le remercier parce qu'il nous a dit des mots que... effectivement, on s'est rendu compte que aussi d'entendre des paroles de personnes extérieures, ça faisait vraiment réfléchir faisait du bien. Et puis je ne sais pas si vous avez suivi souvent des combats de boxe à la télévision, ou en vrai, ça, quand un boxeur est seul et qu'il va jouer un titre une couronne mondiale, quoi, il reste 5-6 mètres là, à ce moment-là, il y a toute une saison, toutes des années qui se déroulent en quelques secondes, où c'est qu'il va falloir être le meilleur. Et Bruce l'a prouvé plus d'une fois. Et je crois qu'il est avec nous, Bruce. Et c'est vrai que quand après, ces mots sont colportés vers d'autres joueurs ou d'autres adversaires, et bien, bien souvent, ça porte ses fruits. Avec nous, Bruce Caudron. Salut, Bruce. Bonjour à vous. Bonjour à Oumazané. Alors, Bruce, il faut que tu saches qu'on a essayé, depuis 16h30 d'appeler Monsieur Dylan Sigueri. Malheureusement, il travaille et on n'a pas pu le joindre au téléphone. Oui, tu peux le dire. Exactement. D'accord. Voilà. Alors, on est avec les joueuses de handball de Mazan. Ah, j'ai entendu. Mais oui, Bruce. Allô, oui. Oui, on t'écoute. Hein. On écoutait, on espérait que tu donnes un petit peu des louanges à ces joueuses de Mazan qui ont fait une très, très belle saison. Et qui ont déjà écrit une page d'histoire. On les félicitera qu'elles monteront et qu'elles auront gagné le dernier match. Elles sont très, mais c'est pas fini. Et c'est bien que les joueuses de ce niveau-là et qui mettent trop commune et avec cet état d'esprit et le jeu qu'elles font, c'est agréable à voir. Et il suffit de venir au COSEC les voir jouer et pour prendre du plaisir. Il y a Carl Vincenot avec nous ce soir, Bruce. À côté de moi, il y a bien sûr Julie Ricard, il y a Justine Blanc et Nina Le Forestier dans ces studios qui t'écoutent parce qu'elles ont apprécié tes conseils et ton ressenti juste avant un grand rendez-vous. Quoi. Oh, bah c'est gentil. Bah, en fait, j'ai juste fait part de mon expérience avec un peu plus de recul parce que j'ai vécu et avec l'expérience que j'ai, je sais ce que c'est et je sais ce que c'est de le vivre. Voilà, comme là, j'ai entraîné aussi le foot à l'histoire, on a fait une séance. Et là, leur dernier match, ils ont gagné, donc ils ont monté de niveau, ils passent en DHR. Ben, c'est pareil, ce que je leur avais dit, ça s'est ressenti sur le terrain, un peu cette pression, un peu des fois négative. Et tout ça, c'est une façon de voir le sport, parce que sur le papier, c'est bien meilleur, mais après, il faut arriver à mettre en application. Bon, ils ont réussi puisqu'ils ont gagné. Ben là, c'est un peu ce que j'ai fait dans l'échange et lors de cet entraînement. Et j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que j'ai passé un excellent moment avec eux en plus.